à ton fils que le monde n'est pas beau. Knié au poste, c'est pas mentir, mais c'est sauver sa peau. Avenir en flamme, car je voulais pas d'un salaire de pompier. On a perdu tellement d'amis qu'on a cessé de compter. Et dirons-nous juste des petits cons qui voulaient briller. Des jours à dormir, des nuits entières à compter les billets. Un Glock 17 et une cagoule comme meilleur partenaire. Je veux mon putain de yacht, même si j'ai le mal de mer. Tu me dis ça va, je réponds pareillement. Alors qu'au fond, je le pense pas vraiment. Putain, regarde ce que la vie a fait de toi, ce que l'argent a fait de nous, ce que la rue a fait de moi. On monte sur des coups pendant que la con qui fait des rimes. Ici c'est Paris, mais dans nos têtes c'est Medellin. Les soulever proprement ou les allumer en terrasse. Faire de nos vies des classiques comme GTA, San Andreas. Qui sont ces assos, qui fait ses comptes? Comment retourner ces cons? Qui vend le plus, qui parle le moins, qui va béton? Tout ce qu'on voulait c'est juste faire monter les héros. On était prêts à tout, même s'exiler jusqu'au Monténégro. S'il faut ramer, on va ramer, bah alors passe la rame. Et c'est fini les mascarades et les yeux roux sur le casque à rails. Nos rêves écartelés, la vie en rose, dis pas que je l'ai. La fin du film sera sûrement là, vu sur des barbelés. T'as tour fourgué, bah tu veux repasser quand? Ça fait du sport pour faire passer le temps. Putain vato, t'es mal à NG. Tout ça pour des mercos, tout top son AMG. Bien ou quoi, bien et toi et les tarots. Baiser les plus, trop ambitieux pour juste vouloir baiser des putes. Un service demandé, mais mon nom t'es pas trop. Moi j'ai des rêves, j'veux un hélicoptère sur le bateau. Quoi qu'on en dise, l'école de la vie c'est la thèse. Changer les plaques, brûler la caisse. De nouveaux plans, de nouveaux partenariats. Pendant ce temps, nos meufs nous parlaient de mariage. Salut c'est nous, on est venus pour tout piller. Tellement connu la galère qu'on a fini par oublier. J'suis pas du style pourvu qu'on m'aime, pourvu qu'on m'aide. Mais comment élever nos putains de gosses avec la vie qu'on met? Eh poteau, est-ce que ça valait le coup? J'sais pas, au fond j'm'en bats les couilles. Retour sur investissement, je vise de large. Nos ennemis ne sont que des fils de large. Les jactés, c'est grand de commerce. En 6 ans, on est passé du dépôt à la chambre de commerce. Le plan paraît simple, mais on se fait bouc à part des temps. Tout allait bien, mais sous la nuit, les phares éteints. Tu vas pas t'en sortir si t'attends que ton heure sur personne. Sache que l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Putain de merde, frérot, quand il fait de moi. Une chose est sûre, tout s'en va quand il fait noir.